Olivier Gueff, qu'est-ce que la philosophie ? Il est impossible qu'une seule et même chose soit, et tout à la fois ne soit pas, à une même autre chose, sous un même rapport. Aristote, Métaphysique, Gamma 3. 1. La philosophie n'est ni une science qui serait susceptible d'apporter au monde quelques vérités nouvelles au sujet de quelque chose qui serait son objet propre, ni un art qui consisterait à créer du concept au petit bonheur. La philosophie n'est que la logique appliquée à la solution de problèmes d'ordre général. Elle est, à proprement parler, une problémologie. 1.1. La philosophie n'est pas une science. Toute science a un domaine d'objet qui lui appartient d'étudier. Un domaine d'objets au sujet desquels elle doit produire des vérités nouvelles. Kant l'a montré, ni Dieu, ni l'âme, ni la liberté humaine, les prétendus objets de la philosophie, ne peuvent être des objets de science. Les mots « Dieu », « l'âme », « la liberté » ne désignent pas des choses, mais des problèmes. Théologie rationnelle, psychologie rationnelle, éthique, ne désigne donc pas des ensembles de vérités portant sur des objets spécifiques, mais des efforts de la raison pour résoudre des problèmes spécifiques. 1.2. La philosophie n'est pas un art. L'art crée. La philosophie ne crée rien. Et surtout pas des problèmes. Tout ce qu'elle peut faire d'utile, au contraire, c'est désamorcer des contradictions et faire voir que certains problèmes sont de faux problèmes. Son activité est donc négative, mais néanmoins utile. 1.2.1. Il s'ensuit qu'il n'y a pas à chercher la dignité de la philosophie ailleurs que dans son utilité. L'utilité d'une activité qui consiste à supprimer des problèmes n'est pas à démontrer. Les contradictions à désamorcer sont de deux types, théoriques et pratiques. Les contradictions théoriques sont formées de deux représentations mentales incompatibles entre elles, les contradictions pratiques ou réelles, d'une représentation mentale et d'une situation incompatibles entre elles. 2.1. Désamorcer une contradiction signifie lever l'incompatibilité au prix d'une modification des entités en contradiction, représentation mentale ou situation. Cette altération de la pensée et du monde n'est pas la philosophie, mais son effet. La philosophie est une activité de mise en cohérence, comme les stoïciens l'ont très tôt reconnu. Elle est essentiellement une action, non une chose. 2.2. N'étant pas une chose, elle n'est par conséquent la propriété de personne. N'étant la propriété de personne, personne ne saurait la vendre ou la donner. Elle ne peut être objet d'échange. Quiconque prétendrait vivre d'un tel commerce serait un charlatan. 2.3. Étant une action, elle ne s'enseigne pas comme un contenu disciplinaire. Elle s'explique par une réponse à la question « comment ?» et se montre. 3. Comment philosopher ? Est une question qui doit donc remplacer le traditionnel « qu'est-ce que la philosophie ?». Le problème étant moins de reconnaître de la philosophie quand on en croise que de désamorcer par nous-mêmes des contradictions. 4. Délocaliser une contradiction constitue la méthode employée par Kant pour résoudre les problèmes. Il s'agit de répartir les deux termes contradictoires sur deux sujets différents. 5. Désynchroniser une contradiction constitue la méthode employée par Hegel pour résoudre les problèmes. Il s'agit de répartir les deux termes contradictoires en deux moments différents. 6. Défocaliser une contradiction constitue la méthode employée par Nietzsche, ce qu'on appelle le perspectivisme nietzschéen. Cela consiste à montrer que les deux termes contradictoires ne le sont pas d'un certain point de vue. délocaliser, désynchroniser ou défocaliser une contradiction, voilà les trois seules manières de philosopher. Voilà toute la philosophie du monde. Le reste en découle. Il n'est besoin de rien d'autre. 8. On objectera à ce bref traité synthétique qu'il n'énonce au fond que des banalités, que tous ceux qui ont étudié un peu la philosophie savent d'ores et déjà. Et l'on formulera ainsi la plus forte critique qu'il est possible de lui opposer. Preuve de sa vérité, et preuve, s'il en fallait, que la raison, dont la philosophie n'est que l'exercice, est universellement présente en tout un chacun.